Ensuite, voyons. Ah, poulet rôti. Je prends ça. Bien, monsieur. Et vous, monsieur? Qu'est-ce que vous prenez comme plat principal? Notre poulet est très bon. Le steak est excellent. Un steak. Oui, je prends un steak aux pommes, s'il vous plaît. Un steak saignant ou bien cuit? Saignant, s'il vous plaît. Ensuite, une salade. Je voudrais garder ma ligne. Et de l'eau minérale, s'il vous plaît. Moi, des frites. Ensuite, des champignons, des petits pois et une salade. Ensuite, du gruyère. Et qu'est-ce que vous voulez comme dessert? Comme dessert, un gâteau et une pomme. Je vais prendre du vin rouge ordinaire et enfin du café. Bon appétit, mon cher Jules.